Section 52 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 12, 3e partie. Charles de Bohême, la bulle d'or, par Georges Blondel. Charles IV de Bohême. La mort de Louis de Bavière ne fit pas tomber les dernières barrières qui séparaient Charles IV du trône. Les Bavarois restaient attachés à la famille de Wittelbach, et plusieurs, parmi les seigneurs, redoutaient l'avènement d'un prince qui passait pour le grand ami de l'Église. Un groupe de mécontents songea d'abord à offrir la couronne au roi d'Angleterre, qui refusa, puis au margrave de Misny, Frédéric le Sévère, gendre de l'empereur des Francs, dont Charles eut l'adresse d'acheter le désistement. Comme le fils de Louis de Bavière, Louis de Brandebourg, ne paraissait pas de taille à porter la couronne, on élut un brave chevalier, le comte Gauthier de Schwarzbourg. Il mourut bientôt, peut-être empoisonné, tandis que Louis de Brandebourg, menacé par l'ascanien Valdemar, consentait à remettre à Charles les insignes du pouvoir et à lui prêter hommage 26 mai 1349. Le centre de gravité du Saint-Empire était de nouveau déplacé. Le règne de Charles IV commença sous d'heureux auspices, et on put croire un instant que la conception idéale de l'Empire qui avait séduit tant de générations allait, grâce à l'amitié du pape, prendre corps de nouveau. Mais Charles n'avait ni les qualités chevaleresques ni l'esprit aventureux nécessaires pour cela. Patient, économe, simple dans ses habitudes, c'était au fond un homme pacifique, ayant le tempérament froid et calculateur d'un diplomate. Bien plus porté à poursuivre des avantages positifs qu'à se laisser entraîner par les chimères qui avaient séduit son aïeul Henri VII, il estima que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de travailler à l'affermissement de sa race, à l'agrandissement de ses domaines héréditaires, en un mot, d'être un bon roi de Bohême, au risque de passer pour un empereur médiocre. Dès la seconde année de son règne, l'Allemagne fut désolée par une maladie épouvantable, la peste noire. La moitié des habitants périrent. Les populations effrayées regardèrent cette calamité comme une punition du ciel. Des associations spontanées de pénitents se formèrent de tous côtés, parcourant les campagnes à demi nus et se frappant les épaules avec des cordes ou des verges. D'où le nom de flagellants qui leur est resté. Le sentiment religieux se transforma bientôt en fanatisme. La colère du peuple se porta sur les Juifs, qu'on accusa d'avoir empoisonné les fontaines et dont un grand nombre furent massacrés. Des excès déplorables furent commis dans les villes surtout, où les Juifs étaient déjà à cette époque si nombreux, si riches et si puissants, qu'on a prétendu que la persécution de 1349 avait été le dénouement conforme aux mœurs du temps, d'une véritable crise sociale et financière. Charles IV fit peu de choses pour réprimer ces désordres, qui provoquèrent l'intervention de la papauté, et auxquels une bulle de Clément VI, du 20 octobre 1349, contribua heureusement à mettre fin. Il était beaucoup plus préoccupé de vendre les droits impériaux, pourvu qu'il retirât de cette vente quelque avantage pour ses pays héréditaires, il ne s'inquiétait guère de l'autorité et de l'honneur de l'Empire. L'Italie est le royaume d'Arles. Charles voulut, cependant, aller chercher la couronne impériale à Rome, 1354. L'Italie était déchirée plus que jamais par les factions rivales. Beaucoup de seigneurs eurent l'idée d'implorer le secours du roi d'Allemagne, et Pétrarque le convia à rétablir l'ordre dans la péninsule, comme Dante y avait jadis convié Henri VII. Innocent VI, juriste distingué qui venait de succéder à Clément VI, désirait sincèrement une réforme. Il offrit à Charles d'envoyer d'Avignon deux légats pour le couronner empereur. Mais l'expédition de Charles IV en Italie ne remplit nullement les espérances des patriotes. Il y fit triste figure, vendant à l'un des titres, à l'autre des droits régaliens, parcourant le pays en vrai marchand de foire et plumant l'aigle impérial sans pitié, comme les électeurs le lui reprochèrent avec raison. Il ne resta qu'un seul jour à Rome et regagna péniblement ses domaines héréditaires à travers les villes de la Lombardie qui lui fermaient leurs portes. « Ce n'est pas un empereur, » disait dédaigneusement Pétrarque, « ce n'est qu'un roi de Bohême. » L'Italie échappait de plus en plus à l'Empire. Dès le début de son règne, Charles avait exigé la reconnaissance formelle des droits de l'Empire sur la comté de Bourgogne et sur le Dauphiné. Il avait même suscité aux Valois un dangereux adversaire dans la personne du comte de Savoie et le dauphin Charles, régent du royaume de France pendant la captivité de Jean le Bon, avait consenti à prêter l'hommage pour le Dauphiné. Ce ne fut là qu'une maigre satisfaction. La royauté de Charles IV dans cette contrée ne se manifesta que par des formules de chancellerie et par ce voyage à Arles qu'il entreprit en 1365 pour y renouveler la cérémonie solennelle du couronnement. Ce couronnement fut, il est vrai, marqué par les concessions nombreuses des privilèges impériaux et par la création des deux universités de Genève et d'Orange. Mais à cette royauté affirmée avec emphase ne correspondit aucun pouvoir effectif. Charles IV se contenta de constituer des vicariats impériaux. C'était une tactique appropriée à son caractère et qui sauva les apparences du pouvoir, mais n'en fit nullement une réalité. Il ne parvint ni dans le Dauphiné à ébranler la situation des Valois, ni dans la Provence à protéger efficacement la reine Jeanne. Finalement, il vint à Paris chercher l'alliance française pour lui-même et pour son fils Venceslav, et accorda au dauphin, fils de Charles V, le titre et les prérogatives de vicaire de l'Empire. Le lien fragile qui avait uni si longtemps la vallée du Rhône à l'Allemagne fut ainsi définitivement brisé. La nouvelle expédition que Charles IV entreprit en Italie en 1368 ne lui rendit aucun prestige. Il s'embarrassa au milieu des factions rivales et se fit encore plus mépriser des Italiens que dans son premier voyage. Un jour, à Sienne, il fut enfermé dans le palais et faillit y mourir de faim. Et de cette descente au-delà des Alpes, qui fut la dernière jusqu'au XVe siècle, ni l'Empire, ni la papauté, ni l'Italie ne tirèrent le moindre profit. On peut dire qu'avec Charles IV, l'Empire cesse vraiment d'être héroïque, dominateur et guerrier. Son règne marque le déclin de la période où la politique tenait encore compte, dans une certaine mesure, d'un principe idéal et subissait l'influence de certaines conceptions religieuses. L'empereur germanique a beau porter encore dans ses mains le globe terrestre, ce n'est plus maintenant qu'un vain hochet. Il a beau tenir la main de justice, signe du droit, et l'épée, signe de la force, sa dignité n'est qu'un titre honorifique. Ce n'est plus une autorité souveraine. Progrès du morcellement territorial. Depuis le grand interrègne, le mouvement de dislocation intérieure de l'Allemagne s'était accentué. Les seigneurs de toute catégorie avaient poursuivi leurs intérêts particuliers, et tandis que les empereurs rêvaient encore l'empire du monde, l'Allemagne, déchirée par les luttes des principautés rivales, s'était décomposée à leurs pieds. Il est presque impossible de suivre dans le morcellement infini des héritages féodaux les ramifications des dynasties. Tout est en désordre et comme en chaos. Il n'y a d'autre droit public que la force, ou, comme disent les chroniques, le droit du poing. Faustrecht. Depuis Rodolphe de Habsbourg, le nombre des seigneurs immédiats, c'est-à-dire relevant directement de l'empereur, s'était accru. Les seuls duchés de Souabe et de Franconie avaient vu éclore plus de 150 petits souverains, anciens fonctionnaires ou anciens vassaux, qui avaient su se rendre à peu près autonomes. Formation du collège électoral. 7 personnages dominent le fouillis des familles princières. Comme ils se sont arrogés le droit exclusif de choisir le roi des Romains, on les appelle princes électeurs, Kurfürsten. 3 sont ecclésiastiques, ce sont les archevêques de Mayence, de Cologne et de Trèves. Les 4 électeurs laïcs sont le roi de Bohême, le duc de Bavière, le duc de Saxe et le margrave de Brandebourg. Mais en ce qui concerne ces deux derniers, plusieurs branches se disputèrent la dignité électorale. À chaque élection nouvelle, les électeurs, par des conventions particulières appelées Wahlkapitulationem, se faisaient accorder de nouvelles faveurs et de nouveaux droits. Aussi trouvaient-ils un grand avantage à empêcher toute transmission héréditaire de la couronne. L'empereur restait bien en théorie la source de tout droit et comme le symbole de la puissance allemande. Mais sa force effective ne répondait guère à ce rôle idéal, qui n'avait souvent d'autre effet que de le compromettre. En réalité, le pouvoir impérial n'était presque rien, et l'Empire, malgré son étendue et le nombre de ses habitants, avait peu d'influence à l'extérieur. L'empereur n'avait ni revenu fixe, ni force militaire assurée, ni pouvoir judiciaire incontesté. Son droit de veto contre les décisions des diètes était le plus souvent illusoire. Sa prérogative la plus utile consistait à disposer des fiefs vacants. Aussi cherchait-il surtout à fonder sa puissance territoriale et à accroître les biens de sa famille. Tout étant devenu local et l'intérêt commun n'existant plus, il faisait, comme les autres membres de l'Empire, électeurs, princes et seigneurs de toutes catégories, qui ne songeaient qu'à leur intérêt particulier. L'Empire était réellement sans chef. Mais l'Allemagne, si morcelée, n'imaginait cependant pas qu'elle pût se passer d'un roi. Bien plus, elle persistait à vouloir que ce roi fût en théorie le maître du monde. La dignité impériale semblait le complément de la royauté germanique, et Boniface VIII lui-même reconnaissait que l'empereur devait être le monarque des rois. Diversité et particularisme. Si l'unité politique faisait ainsi défaut par suite de l'absence d'un pouvoir central digne de ce nom, la plus grande diversité constitutionnelle existait aussi parmi les 500 ou 600 États dont l'Allemagne se composait. Toutes les formes de gouvernement s'y rencontraient. Ainsi, les 3 électorats ecclésiastiques étaient de véritables royaumes. Ordinairement, les princes avaient à compter avec les différentes classes, Landstände, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et les villes, qui s'efforçaient à leur tour d'acquérir une grande indépendance. L'histoire intérieure de l'Allemagne au XIVe siècle nous fait assister aux luttes opiniâtres des diverses classes de l'Empire, soit entre elles, soit contre les seigneurs pour conquérir ce qu'elles appelaient leur liberté. L'esprit particulariste des Allemands les a toujours poussés au morcellement politique. Il a toujours tendu à faire prévaloir l'intérêt local sur l'esprit général. Ce souffle d'indépendance se manifesta souvent à cette époque par des scènes de violence et de brutalité. En dépit des paix publiques, Landfrieden, si souvent renouvelés, les Landstände prétendirent conserver le droit de vengeance ou de représailles. Federrecht, à peine tempéré par la pratique des lettres de dénonciation. Pendant tout le Moyen-Âge, les guerres privées désolèrent l'Allemagne. Des châteaux forts s'élevèrent sur toutes les hauteurs et permirent à beaucoup de seigneurs de rompre tout lien féodal et de s'ériger en prince souverain. Essor des villes, la Ligue hanséatique et la Ligue souabe. Et cependant, une transformation sociale s'était opérée peu à peu. L'influence de la richesse s'était accrue et les villes avaient pris un grand essor. Dès le XIIIe siècle, la plupart d'entre elles étaient déjà entourées de fortifications. Elles s'efforçaient tantôt de chasser les baillis impériaux lorsqu'il s'agissait de villes d'empire, tantôt, lorsqu'il s'agissait de villes seigneuriales, de secouer le joug du Hofstreich, jus curiae, que le seigneur voulait leur imposer. Elles entendaient se donner un droit particulier et une juridiction propre, dont divers conseils étaient les gardiens. Pour suppléer à la faiblesse du pouvoir central, des ligues s'étaient organisées partout. Les plus anciennes remontent aux dernières années de Frédéric II. La première Ligue du Rhin, approuvée par Guillaume de Hollande en 1255, s'étant désagrégée, une nouvelle ligue se forma en 1354. La Grande Ligue souabe date de 1351. Le but essentiel de ces confédérations était de protéger le commerce et d'assurer la sécurité des trafiquants. Les délégués des villes confédérées se réunissaient périodiquement dans les diètes, Hansetage, où les intérêts généraux étaient débattus. La plus célèbre de toutes ces ligues fut la Hanse-Teutonique, qui, à partir de 1343, resta la Hanse par excellence. Invitée au commerce par la mer qui s'étendait devant elle et par les fleuves qui leur permettaient de pénétrer fort avant dans l'intérieur des terres, quelques villes de l'Allemagne du Nord s'étaient alliées, dès le milieu du XIIIe siècle, pour s'assurer une mutuelle protection. En 1283, les cinq villes vendent de Lübeck, de Wismar, de Rostock, de Stralsund et de Greifswald, avaient conclu une étroite alliance. Le traité de Kalmar de 1285 amena l'établissement d'une station commerciale à Bergen et la concession d'importants droits de pêche. Des comptoirs furent créés ensuite à Wisby et à Novgorod. Peu à peu, toutes les villes des rives de la Baltique et de la mer du Nord, celles qui bordent le Rhin comme les riches communes de Flandre, entrèrent dans cette fameuse ligue hanséatique qui, vers le commencement du XIVe siècle, devint une des grandes puissances du Nord. De Londres à Novgorod la Grande, sur tous les navires de commerce, sur tous les comptoirs flottait le pavillon de la Hanse. Ces marchands étaient maîtres des pêcheries, des mines et de l'industrie de l'Allemagne. Habiles diplomates, les hanséates mirent à profit la confusion politique pour se faire accorder d'importants privilèges par le roi d'Angleterre Édouard II. Le Schallhof, Steelyard, qui leur fut concédé pendant la halle centrale du commerce britannique. Il fallut le diviser en 25 œufs secondaires. En 1367, 77 villes faisaient partie de la Confédération. Elle se divisa en 4 quartiers, dont les chefs-lieux respectifs furent Lübeck, Cologne, Brunswick et Danzig. Lübeck était comme la capitale. C'est là que siégeait le conseil directeur, c'est là que se trouvaient les archives et la caisse commune. Les flottes de guerre assuraient la domination maritime de la Hanse, et les trois royaumes scandinaves gémirent longtemps sous son empire commercial. L'union de Kalmar, 1397, lui fut désavantageuse, mais ce sera seulement à la fin du XVe siècle que la décadence commencera. Les villes de la Haute-Allemagne avaient aussi un commerce florissant et leur prospérité contrastait pareillement avec l'anarchie constitutionnelle. Au XIVe siècle, elles rivalisaient d'importance avec les riches cités de l'Italie et des Flandres. Beaucoup avaient des industries spéciales qui faisaient leur gloire. Augsbourg avait ses étoffes, Nuremberg travaillait les métaux, Ulm était un grand marché. La confusion incroyable survenue dans le système monétaire avait donné une grande importance au commerce du change, qui était devenu une industrie lucrative. Les Lombards d'abord, les Juifs ensuite s'en emparèrent. Ils devinrent peu à peu les véritables banquiers et les bailleurs de fonds de toutes les classes sociales. On se fera une idée des proportions qu'atteignait leur trafic par le taux légal des intérêts. Louis de Bavière, dans un privilège accordé en 1328 aux bourgeois de Francfort, fixe le maximum à 32,5%. À Mayence, à Ratisbonne, à Augsbourg, il dépassait 50%. L'un des traits caractéristiques de l'histoire intérieure des villes au XIVe siècle, c'est la lutte entre les anciennes familles ou dynasties patriciennes, Geschlechter, et les corporations Zunft, qui cherchaient à les supplanter dans l'administration urbaine. Les patriciens eurent beau s'organiser eux-mêmes en corporations pour mieux se défendre, ils durent consentir dans beaucoup de villes à la suppression de l'hérédité des fonctions municipales. On peut dire d'une façon générale que les constitutions municipales restèrent plus aristocratiques dans les villes du Nord, qui étaient surtout des centres commerciaux, plus démocratiques dans les villes du Sud, qui étaient adonnées à l'industrie, et où les corps de métier étaient plus nombreux. La bulle d'or de 1356. Bafouée en Italie, impuissant en Allemagne, Charles IV a cependant attaché son nom à l'un des documents les plus intéressants de l'histoire constitutionnelle d'Allemagne, à la fameuse bulle d'or du 13 janvier 1356, ainsi nommée de la capsule d'or où le sceau de l'Empire était enfermé. L'importance de cette charte est d'autant plus grande qu'elle a été faite, comme dit le prologue, du consentement des princes électeurs, des comtes et des autres seigneurs. Dès les premières années de son règne, Charles IV s'était préoccupé de rétablir l'ordre et avait paru comprendre l'importance que pouvaient avoir à cet effet les confédérations de princes et de villes. C'est ainsi qu'à la diète de Nuremberg, en 1353, il promulgua pour l'Allemagne méridionale une constitution de paix qui ramena un peu d'ordre dans le pays. Il approuva ensuite la Ligue des villes de Souabe et obligea celles qui voulaient entreprendre une guerre à soumettre d'abord leurs différends à un tribunal formé par elles qui devait siéger à Ulm. Mais il comprit aussi que le désarroi politique était trop grand pour qu'un retour en arrière fût possible. Il ne songea nullement à refaire une Allemagne impériale. La bulle d'or ne fait, en réalité, que légaliser l'anarchie constitutionnelle et transformer l'Empire en un État confédéré. Ce document considérable se divise en deux parties. La première, qui comprend 23 chapitres, traite de l'élection du roi des Romains. L'autre touche à divers points de législation civile, au droit de succession et à la paix publique. La bulle d'or transporte pour toujours le droit d'élire le souverain aux 7 électeurs privilégiés. L'élection doit avoir lieu à Francfort, sous la présidence de l'archevêque de Mayence. La majorité des voix suffit pour qu'elle soit légale. Le nouvel élu est ensuite sacré à Aix-la-Chapelle. On fait revivre au profit des électeurs les vieux titres d'archichancelier de Germanie pour l'archevêque de Mayence, d'archichancelier d'Italie pour celui de Cologne, d'archichancelier des Gaules pour celui de Trèves. Le margrave de Brandebourg est archi-chambellan. Dans les repas officiels, il porte une aiguillère et une serviette. Le comte palatin du Rhin est archi-écuyer. Il dépose les plats sur la table. Le roi de Bohême est archi-échanson. Il tend à l'empereur une coupe remplie d'eau et de vin. Après qu'ils ont rempli leurs fonctions, ces dignitaires vont s'asseoir chacun à une table séparée. Celle de l'empereur est de 6 pieds plus haute que celle des autres. Admirable privilège. Mais c'est aux électeurs que la puissance est définitivement passée. Pourquoi donc, tandis que dans tous les grands États de l'Europe, le droit héréditaire remplace le vieux droit électoral, l'Allemagne continue-t-elle à faire exception à la règle? C'est que l'intérêt de la papauté est d'accord avec celui des princes pour maintenir l'ancien ordre de choses. Les papes acceptent le principe héréditaire en France, ils le repoussent énergiquement en Allemagne, parce qu'il leur paraît trop menaçant pour l'indépendance italienne. Quant aux princes, ils ne veulent pas davantage d'un principe qui le ferait déchoir du rang auquel ils se sont élevés. Il était impossible dans ces conditions que le travail de concentration, l'œuvre par excellence des rois de France, pût avoir lieu en Allemagne, et à cette époque aucun des territoires particuliers n'était encore assez puissant pour devenir le centre de cristallisation d'un État unitaire. Non seulement l'Empire est établi solidement sur la souveraineté des princes, mais l'indivisibilité des principautés électives est solennellement proclamée. La bulle d'or maintient aussi le droit de primogéniture. Elle reconnaît aux électeurs la juridiction suprême en déclarant qu'aucun de leurs sujets ne pourra recourir à un autre tribunal qu'au leur. L'appel au tribunal de l'empereur n'est autorisé qu'en cas de déni de justice. Enfin, les électeurs sont confirmés dans les droits régaliens déjà en leur pouvoir, droit de battre monnaie, de lever des taxes, d'exploiter les mines situées dans leur domaine, etc. Tout attentat contre leur vie est réputé aussi criminel que s'il eût été commis sur la personne même de l'empereur. C'est donc à juste titre que la bulle d'or de Charles IV occupe une place importante dans l'histoire constitutionnelle de l'Allemagne. En réglementant l'élection, elle a donné au principe électoral une force nouvelle. en enlevant le droit de suffrage aux grandes charges de l'Empire pour l'attribuer à des principautés territoriales, elle a créé en Allemagne des États presque souverains. La position que les princes avaient dans un élan d'esprit patriotique prise à Reims recevait pour l'avenir une sanction légale. La personne des électeurs devenait sacrée, elle et sept flambeaux mystiques du Saint-Empire, qui symbolisaient les sept lampes de l'Apocalypse, eurent bientôt leur large part de cette vénération populaire qui avait longtemps entouré l'empereur et qui s'affaiblissait de plus en plus. Les Guelfes pourront maintenant cesser de haïr un pouvoir qui ne leur porte plus guère d'ombrage. Les droits considérables accordés aux électeurs excitèrent au surplus chez les autres princes le désir d'en obtenir de semblables. Aussi, les luttes engagées par eux contre la petite noblesse et les villes ne firent-elles que redoubler. L'empereur, impuissant, dut se résigner, et il se résigna trop facilement d'ailleurs, à voir une bande de seigneurs, avides, se partager l'autorité qui aurait dû lui appartenir. Fin de la section 52.